je l'attraperai bien. Son cœur ne bat que la nuit, frappé et s'enfuit. Moi je me marierai bien. Danser, moi, j'ai pourtant essayé.